Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Le site touristique de la Chute à l'Ours vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealours.com. On va parler de hockey. C'est une entrevue que je devrais pas faire, mais là, écoute, ce qui s'est passé sur les médias sociaux, les gens qui ont vu ça, ben moi, ça sont un petit peu... moi, j'ai parti à rire. Quoi qu'il en soit, c'est qu'il y a eu une transaction entre... l'équipe du multiconcessionnaire et la formation des excavations savants, il y a 4 ou 5 gars qui s'en vont à les droits appartenant à Dolbeau-Mistassini s'en vont maintenant avec la formation de la Haute-Côte-Nord. Quoi qu'il en soit, on va parler avec l'instructeur chef Philippe Gauthier pour qu'il nous explique ça un peu. Salut Philippe. Salut bien monsieur. Philippe, on est loin de Sidney Crosby puis Connor McDavid dans cette transaction là. Ben oui, mais qu'est-ce qui vous a motivé à aller chercher ça? Pour les gens qui ne savent pas, les joueurs qui s'en viennent, qui s'en vont sur la Haute-Côte-Nord, c'est Joey Blacksmith, qui a joué 2 saisons à Caddy Batter, 6 pieds 3, 300 livres. Yonef Konishich, qui a joué à Lewiston, 6 pieds 5, 270 livres. Emerson Peterwamolo, 5 pieds 9 pouces, 225 livres. Travis Blacksmith, 5 et 10, 212 livres. Et Luc Petitguet, 6 pieds 3, 250 livres. Comment on justifie cette transaction-là? Le dernier, Luc Petitguet, c'est un gars de notre coin, c'est un gars de Tessamit, tout près de Forêt. OK. Lui, on l'avait signé la semaine passée. Je trouve que là, il n'avait pas été annoncé. On l'avait signé tout de suite vendredi pour l'essayer. Ça va être un gars plus une sécurité. Pour vous expliquer un peu la transaction, c'est parce que comme on avait déjà parlé, on est l'équipe la moins petite, on n'était pas une équipe réputée pour ça. On a seulement le petit jeune Kevin Charest qui est dans ses débuts là-dedans pour un peu faire régler l'ordre un peu sur la glace, comme on peut dire ça. Il commence, là, il avait peut-être fait 3 ou 4 combats avant dans sa carrière. C'est un jeune, fait qu'on n'avait pas grand monde pour se défendre. Puis, comme vous le savez, quand on va là, les autres équipes en ont toutes, puis nous autres, on n'en avait pas. C'est pas à cause qu'on n'a pas essayé d'en trouver dans le coin. On sait qu'il y a un gars qui appartient à une certaine équipe qui jouait pas. Il a pas joué depuis le début de l'année. Le gars veut jouer, le gars est prêt à jouer nous autres, puis on a essayé de l'acquérir depuis 2 semaines qu'on essaye de faire une transaction, puis la transaction marchait jamais. Fait que suite au match 18 de novembre, quand on est allé à Ronquière, ben il y a des risques un petit peu qu'on a moins aimé durant le match. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait absolument ça coûtait un petit peu de poids notre formation. Puis veut pas, ben on pensait pas que la ligue était comme ça. Puis ben veut pas, fait comme maintenant on a comme pas le choix d'embarquer dans la gang aussi. Mais qu'est-ce qui va arriver là? Parce que moi je vous l'ai dit, il y a une équipe qui semble avoir. C'est Jonquière, c'est pas des enfants de cœur. De la manière que je peux voir ça, c'est loin d'être des enfants de cœur. Il s'est passé des choses ici même à Dolbeau-Mistassini, également dernièrement. Sauf que quand même, moi je dis que ça va finir ça là, parce que là, ce qui va arriver, c'est que Dolbeau-Mistassini va aller s'en chercher certainement. La Côte-Nord, Charlevoix va aller s'en chercher d'autres aussi. Jonquière, ça va être une équipe. Ce que je peux expliquer, monsieur, c'est que pour avoir une équipe complète, comme on avait déjà parlé ensemble, pour avoir une équipe complète sur la glace, on a une liste de 35-40 gars pour réussir à mettre 20 gars sur la glace toute la fin de semaine. Ça veut dire que si je veux avoir, mettons, 2 ou 3 hommes forts, faut que j'en aie au moins 6-7 sur la liste pour en avoir tout le temps 2 ou 3 disponibles. Fait que c'est le même principe qu'avoir la liste de joueurs. C'est, j'habillerai jamais 4 puis 5 bagarreurs en même temps, là. C'est impossible. C'est juste que on a signé 4 à Chibougamo. C'est pas plus dur payer du gaz à les gars qui vont descendre de Chibougamo. Puis après ça, le gars, on fera pas descendre rien qu'un gars, là. Fait que les gars vont descendre 2 gars. Quand on joue une game, les gars vont descendre à 2. On a le petit charrette. On va en avoir 3 exactement comme Ronquière. Même à faire, on n'aura pas 4 puis 5, là. C'est pas. Mais là, les 5, parce que là, pour le match d'en fin de semaine, parce que j'ai su que ça va brasser pas mal. J'ai l'impression que ça va brasser pas mal, là. Parce que j'ai vu passer sur les médias sociaux même des. que le gardien de but de Jonker pourrait être visé pour le match de demain. C'est pas beau, là. Ben, je sais pas ce que vous avez vu ça, mais en tout cas, sauf qu'avec les événements qu'on a eu, c'est sûr que si eux autres, le monde de Jonker pense ça, c'est peut-être un peu normal, hein, parce que juste pour relater les petits faits qui sont arrivés le 18 novembre, ben un des joueurs de Jonker, il a snappé les rondelles dans le refaufement sur les joueurs. Après ça, ils ont allé planter le goaler, justement, ils ont rentré dans le goaler de Haute-Côte-Nord à trois reprises dans la troisième période. Puis il y a même un joueur qui s'est permis d'aller faire la poule en avant du bain. Fait que c'est rare de gestes-là irrespectueux, comme on appelle, nous autres. Fait que on a moins aimé. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, quand t'as pas personne pour te défendre, puis tu vois un gars aller faire la poule en avant du bain, puis snapper des rondelles dans le refaufement, là, à un moment donné, tu te dis c'est assez, là, faut que tu fasses de quoi pour te défendre aussi, là. Mais il n'y a pas moyen, parce que c'est tu sais, j'entends pas parler de Beau, j'entends pas parler de Charlevoix, puis... Ben, c'est ça, oui, on n'a pas de problème, ça va bien, on est joué contre Delbeau la semaine passée, on a eu deux petites bagarres comme ça, parfait, tout le monde se respecte, on voit Charlevoix, pas de problème non plus. Oui, moufobec en tout cas. Mais il n'y a pas moyen de... Là, vous êtes... Delbeau, on n'a pas de problème. Oui, mais il n'y a pas moyen de se parler, au lieu de faire ça. Ah, ben non, ben moi, j'ai pas... Tu sais, ce qu'on portait à Dieu... On n'avait pas monsieur de monde, nous autres. Fait que nous autres, on essaie de s'organiser, là, au moins, pour avoir quelqu'un pour se faire défendre. Là. C'est pas... On cherche pas à guerre là-dedans, on cherche pas à mort, là. Vous voyez bien, on n'avait pas depuis le début de l'année. Oui. Est-ce que c'est une nécessité? Ben, quand tu te fais ridiculiser de même à Honguer, ben là, nous autres, on a pensé qu'où il est rendu là. C'est comme je dis, la feuille qu'on a signée 4, c'est seulement pour être qu'il y en ait un ou deux disponibles tout le temps. C'est puisque la disponibilité des joueurs est très rare. Là, le match de demain, là, est-ce que les 5 vont être en uniforme? Comment ça? Non, je peux même vous confirmer, là, je suis tellement transparent, je peux même vous confirmer qu'il y en a juste deux demain qui vont être en uniforme. Juste le petit charret. Fait qu'on va en avoir trois exactement comme on gagne. OK. OK. Fait que tu sais, gars, j'ai même pas de peur, j'ai pas de carrette à faire avec ça. Moi, j'ai aucun problème. OK. Bon, là, la radio est à Dolbeau, M. Stassini, fait que c'est sûr que ça m'intéresse aussi de savoir un peu qu'est-ce que vous avez donné pour avoir ces joueurs-là. Bien, là, l'entente qu'on a dans les équipes de la Ligue, c'est qu'on a pris ça cette entente-là, on a même parlé l'autre jour quand on a eu une réunion, là peut-être en deux semaines, je pense, deux, trois semaines. On a eu une autre Ligue au complet. Ça, quand il y a des joueurs sur le territoire d'une autre équipe, que l'équipe en question les prend pas, ils sont pas intéressés à les faire jouer. Ben, il faut demander la permission, comme nous, on a demandé la permission à Dolbeau de parler à ces joueurs-là. Okay. Une fois qu'on a parlé à ces joueurs-là, puis qu'on s'est entendu qu'ils voulaient venir, ben là, cette semaine, on a redemandé la permission à Dolbeau, que s'ils ne prenaient vraiment pas, puis que voyait si on pouvait signer ces joueurs-là. Ils nous ont donné la permission, fait que c'est nous qui prend des... C'est nous qui devons les mettre sur notre liste de 40, puis on enlève des joueurs de notre point pour faire de la place à ces gars-là. OK, OK. Ben, c'est le temps qu'on a pour s'entraider le même, parce que comme on disait tantôt, on n'a aucun problème entre Dolbeau sur la voie de quoi, on n'a aucun problème, on s'entraîne entre nous autres, puis on essaye de faire le mieux qu'on peut pour faire une ligue équitable un peu pour tout le monde. Non, parce que moi j'aimerais mieux en tout cas que ça se parle. Je l'ai dit à l'entraîneur Gino Gagnon l'autre fois, j'ai dit, puis je vais vous le dire à vous aussi, moi ce qu'on m'a dit après, c'est que vous avez pleuré pour rien. Ce que je veux vous dire, c'est que si jamais vous pleurez pour rien, moi c'est vous comporter en adulte, parce que la Ligue est jeune. Et c'est un beau projet, puis il faut que tout le monde se comporte en adulte si vous voulez que ça marche. C'est ça que les gays. Je pense que c'est ce qu'on fait. Là, on fait du hockey, puis nous autres, on n'était pas dans la lignée comme c'était parti là. Puis là, ben gars, on se faisait traiter de peureux, puis de poulet, puis tout. Fait qu'on va rentrer dans la ligue à même titre que les autres équipes. Là, on va se trimer un ou deux bagarreurs pour se défendre à même titre que les autres équipes. Je vois pas pourquoi, parce que nous autres, on n'aurait pas le droit de se défendre, puis on aurait le droit de se faire. Élargir par tout le monde. Ben, en espérant. À cause qu'on s'est trimé du monde, là, on est des mauvais gars. Non, ben, c'est parce que c'est pas ça. C'est le fait que, regarde, s'il y a une équipe. Excusez, monsieur, vous ne me citerez pas le goût à la radio. Sauf que, vous l'avez dit tantôt, il y a une équipe dans la ligue comme Monique qui fait des problèmes un peu partout ce qui passe, puis je pense pas que. Parlez-vous. Fait que moi, là, j'ai pas grand-chose à dire. Parlez-vous, puis réglez ça. C'est ça que je veux dire. Non, j'ai pas à faire à parler en terme. Oui, non. Règle mon équipe, j'ai essayé de m'occuper de mon équipe. J'ai pas à faire. Mais à quelque part, vous êtes tous des adultes. Et pour le bien de la ligue. On se parle en Dolbeau, Charlevoix, on se parle ensemble, on s'entend bien. Fait que le problème, il n'est pas juste avec nous autres, là. S'il y a des problèmes aussi quand ils sont à la Delbo. Bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup, mon ami. Ben, merci beaucoup, puis on s'en reparle prochainement. On espère que demain, qu'il n'y a pas de débordement. L'instructeur-chef, Philippe Gauthier, l'instructeur-chef de la formation de Haute-Côte-Nord.